vu qu'on a accueilli cette nouvelle entrée, ça veut dire qu'on doit dire au revoir à 7. Oh, est-ce que c'est déjà le temps de Pam à Rest in Peace? Oui! Just mountains of change. Ces pièces qu'ils ont quittées depuis les précédents palmarès. Des extraits des pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 11 au 17 novembre 2013. On a donc dit au revoir à Accident de char de Mimi Vanderglo qui est resté 8 semaines. Ensuite, Sonny Duval et J'aime quand tu m'appelles mon amour qui a duré 7 semaines. Ensuite, c'était Les chercheurs d'or et tout explose qui est resté seulement 4 semaines. Puis MGMT avec Your Life is a Lie, 8 semaines. On a Sacré dehors, Oakerville River avec Lido Pierce Suicide Core qui est resté 5 semaines. On a expérimenté de façon fictive à éliminer The Dax et Experimental Fiction qui a duré 8 semaines. Et finalement, on a dit au revoir à Baja Bula et Promise Not to Think About Love qui est resté 8 semaines. Et elle est de retour, Baja? Oui, Mimi Vanderglo aussi. Oui, mais c'est les seuls. Malheureusement, le reste, ciao bye. Peut-être un jour. Peut-être. Pour vrai, ça se pourrait très bien. Parce que MGMT, entre autres, est de Danks. Il y a de quoi faire avec ça. MGMT, en plus, je pense que c'était la première pièce du dernier album. Oui. Donc, il en reste encore plein à explorer. C'est ça. On a pour un an avec ça. Au moins. Voir 5. Donc voilà pour Palmer Rest in Peace, où on dit au revoir aux pièces qui nous ont quittés. On fait ça chaque semaine ici même au Palmarès. C'est fou!